Alléluia. Please close your eyes. Fermez les yeux. Father, I want to bless you tonight for your goodness, for grace. Lord, we thank you for bringing us here tonight. As we ask your Spirit to come and lead us. Spirit, guide us. We ask that, Father, you bless us once again. You change our lives. You deliver us. You increase us. You fill us with your Spirit. In the name of Jesus, we bless you. And everyone say amen. Before you sit down, I want us to pray. Avant de s'asseoir, je veux que nous prions. I want us to pray for our brother who has lost his father. Je veux que nous prions pour notre frère qui a perdu son père. Alberic. Alberic. And then there's another lady also lost her father today. Et il y a aussi notre fille qui a perdu son père aujourd'hui. I want you to close your eyes and pray for strength. Je veux que vous fermez vos yeux et priez pour pray la force. Pray for comfort. Pour le réconfort. That God will comfort them. Que Dieu va les réconforter. God will strengthen them. Dieu va les fortifier. God will reassure them. Dieu va les réassurer. By His Spirit. Par son esprit. That He is the Father. Il est le Père. So close your eyes and pray for them. Donc fermez les yeux et priez pour eux. Father, we commit them into your hands. We ask for strength, Lord. We ask for comfort, Lord. We ask for your presence. Father, we ask, O Lord, that you reassure them, Lord. May your Spirit cry in their heart that you are there. You are the Father, Almighty God. Heavenly Father, Lord. Father, let them be reassured in the name of Jesus Christ. Father, the pain of losing, the pain of losing a father, biological father, Lord, may he not be too painful, Lord, because of your reassurance in the name of Jesus. We pray, Lord, for them. We commit them into your hands. Oh, we ask, O Lord, touch them, Lord. Touch their hearts, O Lord. Father, smoothing the pain, Lord. Smoothing the pain. Smoothing the pain in the name of Jesus Christ. Father, for their families, Lord. Father, strengthen them, comfort them in the name of Jesus Christ, Father. We thank you, we bless you, we honor you in the name of Jesus. And everyone say amen. Amen. Lord, we worship you. We lift you high above the earth and the heaven. Lord, we worship you. We lift you high above the earth and the heaven. You are Lord. You are Lord. Yes, you are. Yes, you are. Lord, we worship you. Lord, we we lift you high above the earth and the heaven. Lord, we worship you. Lord, we worship you. We lift you high. We lift you high above the earth and the heaven. You are Lord, you are Lord, yes you are, you are Lord, you are Lord, you are Lord. Mon Dieu, il est grand. Mon Dieu, t'élévons. Nous t'adorons. Oh, nous t'adorons, grand Dieu. J'élève ton nom. J'élève ton nom dans les cieux et sur la terre. Car tu es Dieu. Car tu es Dieu. Hallelujah. If you can pray in tongues, start to pray in tongues. Si tu veux adorer Dieu, commence à l'adorer. You can speak in the spirit. Tu dois parler dans l'esprit. Speak in the spirit. Parle dans l'esprit. If you can't pray in tongues, tu ne peux pas prier. Ask the Holy Spirit to fill you. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Ask the Holy Spirit to fill you. Demande au Saint-Esprit de te remplir. The Holy Spirit will fill you. Le Saint-Esprit va te remplir. Now. Il va venir. Now. Il va venir. Now. Il va venir. He will fill you. Il va te remplir. Il va te remplir. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. He will fill you now. Il va te remplir maintenant. You begin to speak in tongues. Et tu vas parler en langues. Holy Spirit, fill us, fill us, fill your people, fill us and strengthen us, fill us and strengthen us, fill us and strengthen us in the name of Jesus. Oh, fill your people, fill your children. They need your strength in the name of Jesus. Pray in the spirit. If you can pray, pray in the spirit. If you cannot pray, ask the Holy Spirit to fill you, to help you, to baptize you in the spirit, so you can pray in the spirit. Oh, Dieu, grand Dieu, grand Dieu, grand Il est plus grand que cette situation. Ce problème, il est plus grand. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus doucement, grand doucement. Que ce que l'on dit. Oh, tu es. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que. Oh, oui, tu tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, car tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Lève les mains. Et Saint-Esprit, remplis-moi. Fortifie-moi. Fortifie-moi. Oh, fortifie mon esprit. Oh, je suis fait, fortifie-moi. Dieu Saint-Esprit va te fortifier ce soir. Il va te remplir, te toucher. Oh, les bros se leva, calamabro. Y que les bros se leva, que les bros se leva, calamabro. Ah, les bros se leva, que les bros se leva, que les bros. Le Saint-Esprit va te toucher ce soir. Oh, si tu ne parles pas langue et tu veux, demande maintenant. Dis Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi. Je veux prier en langue. Saint-Esprit va te baptiser. C'est pas un homme qui fait, c'est le Saint-Esprit. Oh, les bros, c'est les bébés, les bébés, que bébés, les bébés. Il y a les bros, c'est les bébés, les bébés, que bébés, les bébés, que bébés, les bébés, que bébés, les bébés, que bébés, les bébés. Et que les bros, c'est les bébés, les bébés, que bébés, les bébés, que bébés, les bébés, que bébés, les bébés, que bébés, les bébés. Allez, bros, c'est les bébés, les bébés, que bébés, les bébés, que bébés, les bébés, les bébés. Et que les bros, c'est les bébés, les bébés. Ça peut être fort ici en ce moment. Oh, les bros, c'est les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés. Et que les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés. Et que les bébés, les bébés, que bébés, les bébés, que bébés, les bébés, que bébés, les bébés. Allez, bros, c'est les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés. Et que les bros, c'est les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés. Et que les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés. Et que les bros, c'est les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés. Et que les bros, c'est les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés. Et que les bros, c'est les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés. Et que les bros, c'est les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés. Et que les bros, c'est les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés. Et que les bros, c'est les bébés, les bébés, les bébés, les bébés. Et que les bros, c'est les bébés, les bébés, les bébés, les bébés. Et que les bros, c'est les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés. Et que les bros, c'est les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés. De ton voisin. Oh, tu connais le chant là? Le chant qu'elle a fait du chant. Souffle de Dieu. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. cœur ce soir et accueillir le Saint-Esprit. Oh, ouvre ton cœur. Oh, les bros, c'est les mains, car c'est bon. Oh, les bros, c'est les bébés, les bébés, les bébés. Il est en train de faire quelque chose en ce moment dans ta vie. Oh, tu vas sentir sa présence au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Lord, we bless you, Lord. Est-ce que tu peux acclamer ce soir? Acclame et prie en langue. Brosse les mamans, calachons, brosse les bébés. Y'a que les mamans, brosse les mamans, avant les mamans, la maman. Y'a que les mamans, brosse les mamans, la maman. Oh Father, we bless you. Father, we thank you. Father, we give you glory. We bless you, Lord. In the name of Jesus. Lift up your hands. And close your eyes. Fermez les yeux. Say, Holy Spirit. Dis Saint-Esprit. I need you. J'ai besoin de toi. I need you in my life. J'ai besoin de toi dans ma vie. To strengthen me. Pour me fortifier. To make me a strong Christian. Pour faire de moi un chrétien fort. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Father, we thank you. We thank you. We thank you. Say thank you. Dis merci. Thank you. Merci. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. For the Holy Spirit. Pour le Saint-Esprit. For the Holy Spirit. Pour le Saint-Esprit. Thank you for the Holy Spirit. Merci pour le Saint-Esprit. In my weakness. Dans mes faiblesses. I'm strong. Tu es fort. In my weakness, dans mes faiblesses, I am strong. Je suis fort. In my weakness, dans mes faiblesses, I am strong. Je suis forte. Because of the Holy Spirit, à cause du Saint-Esprit. Father, thank you. Merci, Seigneur. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Let's clap. Applaudissez. Hallelujah. Please be seated. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Are you blessed? Êtes-vous béni? I wanted to teach you a song, but je voulais vous enseigner un chant, mais. Hallelujah. Amen. Amen. This time that we meet, it's a time to meet the Holy Spirit. Ce temps que nous avons, c'est un moment pour rencontrer le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Thursday after Thursday is to meet the Holy Spirit. Jeudi après jeudi, c'est pour rencontrer le Saint-Esprit. And the Holy Spirit is real. Et le Saint-Esprit est réel. Whether you believe or not, he's real. Que tu crois ou pas, il est réel. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Yeah. And the Holy Spirit in your life. Et le Saint-Esprit dans ta vie. Makes your life different. Il rend ta vie différente. Hallelujah. Amen. It makes you stronger. Il te rend plus fort. It makes you wise. Il te rend sage. Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Yeah. Hallelujah. Amen. Today I wanted to share something, how to develop your inner man. Ce soir, je vais partager sur comment développer ton homme intérieur. Hallelujah. How to develop your inner man. Comment développer ton homme intérieur. Hallelujah. And In 2 Corinthians chapter 4. Dans 2 Corinthiens chapitre 4. Father, we thank you. In the name of Jesus. Amen. Amen. Yeah. 2 Corinthians chapter 4 verse 16. 2 Corinthiens 4 verset 16. Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Chapter 16. The Bible says, for which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight. While we look not at the things which are seen, but the things which are not seen. For the things which are seen are temporal. But the things which are seen are not seen are eternal. 2 Corinthiens 4, à partir du verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Hallelujah. Amen. Yeah, so you can see in this passage. Donc vous pouvez voir dans ce passage. We have the outward man. Nous avons l'homme extérieur. And the inward man. Et l'homme intérieur. Hallelujah. Amen. Yeah, there's a man inside of you. Il y a un homme à l'intérieur de toi. Who is the real person? Qui est la personne réelle? Amen. Amen. Are you with me? Êtes-vous là? Yeah. And so, and it's saying that look not at the things which are seen. Donc le verset dit nous ne regardons. We look not at the things which are seen. Nous ne regardons pas aux choses visibles. But the things which are not seen. Mais aux choses invisibles. Here is putting emphasis on the things which are not seen. Là il met l'accent sur les choses qui ne sont pas vues. Hallelujah. Amen. Yeah, because naturally we always put our emphasis on things which are seen. Parce que naturellement nous mettons l'accent sur les choses qui sont visibles. Yeah. But when you woke up today, parce que quand tu t'es réveillé aujourd'hui, all the things which are seen, that's what they are doing. Tout ce qui est visible, c'est ce que tu as fait. I'm sure 99% of your time were on things which are seen. Je suis sûr que 99% de ton temps, ça portait sur ce qui est vu. Hallelujah. Amen. Yeah, but here he's saying that the things which are seen are temporal. Mais ici il dit que les choses visibles sont temporaires. But the things which are not seen are eternal. Mais les choses qui sont invisibles sont éternelles. Hallelujah. Amen. So, if you talk about the outward man. Donc si tu parles de l'homme extérieur. And the inward man. Et l'homme intérieur. Which one do you see? Lequel est-ce que tu vois? The outward man. L'homme extérieur. Yeah, the outward man. You see the outward man. Tu vois l'homme extérieur. But the Bible is saying that the things which are seen are temporal. Mais la Bible nous dit les choses visibles sont temporaires. And it talks about the inward man. Which can you see the inward man? Est-ce que tu peux voir l'homme intérieur? Do you see the inward man? Est-ce que tu vois l'homme intérieur? No. So the inward man is eternal. Donc l'homme intérieur est éternel. Hallelujah. Amen. Are we seeing? Est-ce que vous avez vu? Yeah. Yeah. So he put verse 17. Is it verse 17? Verse 17 says that for our light affliction. Le verset 17 dit car nos légères afflictions. Ah, it's like a verse for encouragement, to encourage you. C'est un verset pour vous encourager. Our light affliction, which are but for a moment, nos légères afflictions du moment présent, working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Produisent pour nous un poids éternel de gloire. Hallelujah. Amen. Yeah, so it means your light, the things that you are suffering from now. Donc ça veut dire que les choses pour lesquelles tu souffres maintenant sont temporaires. They will pass. Elles vont passer. Hallelujah. Amen. They will pass. Elles vont passer. Wow. Are you encouraged? Êtes-vous encouragé? Yeah. But I want to talk about, the inward man. How to develop your inner man. Maintenant, je vais parler sur comment développer ton homme intérieur. Yeah. I look at 1 Peter chapter 3 verse 1. Tu vois 1 Pierre chapitre 3 verset 1. Are you here? Êtes-vous là? I can't feel that you are here. Je n'ai pas l'impression que vous êtes là. Hallelujah. 1 Peter 3 verse 1. Likewise, wife, ye wife, is a subjection to your own husband. But if any obey not the word, they also may, without the word, be won by the conversation of the wives. Hallelujah. Amen. You understand this verse? 1 Pierre verset, chapitre 3, verset 1. Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Alléluia. Amen. Here he's saying that you wife, be submit your husband. Il dit ici, femmes, soumettez-vous à vos maris. Yeah. So that if your husband is not born again, afin que si ton mari n'est pas né de nouveau, with your conversation, avec ton comportement. Yeah, here is conversation is your behavior. Ici, ça parle de comportement. So with your behavior, donc avec ton comportement, your husband can be won to Christ. Ton mari peut être sauvé à Christ. Hallelujah. Amen. Yeah, most of you are not married, so you are looking at me. Plusieurs d'entre vous n'êtes pas mariés, donc vous me regardez. But you can learn. Mais tu peux apprendre. Hallelujah. Amen. Verse 2. While they beheld your chaste conversation coupled with fear, whose adorning let not be that outward adorning of plaiting of the hair, and of wearing of gold, and of putting of apparel, but let it be the hidden man of the heart, in that which is corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. Verset 2. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Alléluia. Amen. Have you seen? Est-ce que vous avez vu? Future wife, have you seen what the Bible is telling you to future do? Femme, est-ce que vous avez vu ce que Dieu vous demande de future faire? Future wives. Et future femme. Oh, you respond. Vous ne répondez pas? Yeah, future wives. Et future femme. He said, while they behold the chastest conversation coupled with fear. Verse 2. Votre manière de vivre chaste et réservée. Hallelujah. Amen. Whose adorning, let it not be that of outward adorning of plating of hair and wearing of gold and plating of putting on of apparel. N'ayez pas cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. But let it be the hidden man of the heart. Mais la parure intérieure qui est cachée dans le cœur. Yeah. Of a meek, ornament of a meek and quiet spirit. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Which in the sight of God of great price. Qui est d'un grand prix devant Dieu. Have you seen the comparison between the outward man and the inner man? Est-ce que vous avez vu la comparaison entre l'homme extérieur et l'homme intérieur? For wives. Pour les femmes. For wives. Pour les femmes. Have you seen? Est-ce que vous avez vu? Yeah. How many hours do you use to dress today? Combien d'heures as-tu utilisé pour t'habiller aujourd'hui? Or how many minutes? Ou combien de minutes? Compared to how many minutes have you used for your inner man of quiet and comparé meek spirit. Au nombre de minutes que tu as utilisé pour ton homme intérieur. It's a question. C'est une question. And it demands an answer. Et ça demande une réponse. How many minutes? Combien de minutes? How many minutes? Combien de minutes? Do you use to adjust your hair? dont tu, que tu utilises pour ajuster tes cheveux. How many minutes did you use to paint your face? To polish your face, sorry, polish your face. Combien de minutes as-tu utilisé pour polir ton visage? Huh? How many minutes? Combien de minutes? Did you use to adjust your dress? As-tu utilisé pour ajuster tes vêtements? But how many minutes have you used for your spirit today? Mais combien de minutes as-tu utilisé pour ton esprit aujourd'hui? Have you thought about it? Vous avez pensé à ça? Huh? Hallelujah. Amen. God is telling us something. Dieu nous dit quelque that chose. The inner man is more important. Que l'homme intérieur est plus important. Hallelujah. The Bible says it's of a great price. La Bible dit que, qu'il a un grand prix. Hallelujah. Amen. Because the inner man is eternal. Parce que l'homme intérieur est éternel. The body will die. Le corps va mourir. The body will be decomposed. Le corps va se décomposer. The body will be in the cemetery. Le corps sera dans un cimetière. And the people who love you will not like your body in the cemetery. Et les gens qui t'aimaient ne vont pas aimer ton corps dans le cimetière. Even at home, they won't like it. Même à la maison, ils ne vont pas vouloir ça. That's why they will take you to the cemetery. Voilà pourquoi ils vont t'emmener au cimetière. Yeah. Because they don't like it. Parce qu'ils n'aiment pas. But the spirit. Mais l'esprit. Is eternal. Est éternel. Hallelujah. Amen. Are you here? Vous êtes là. Do you like what I'm saying? Est-ce que vous aimez ce que je dis? Wow. So most of the time we put value. La plupart de temps, we nous mettons value la, external things. Nous mettons la valeur sur les choses extérieures. Yeah, or we value certain things. Ou nous valorisons certaines choses. Which are not important. Qui ne sont pas importantes. Yeah. Value our hair. Nous valorisons nos cheveux. We value telephone. Nous valorisons nos téléphones. We value what money. Nous valorisons l'argent. We value what again? Nous valorisons quoi we encore? Value things that are not valuable. Des choses qui ne sont pas dignes. Yeah. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Yeah. But the inner man is very important. Mais l'homme intérieur est très important. Read this first Timothy chapter 4 verse 8. 1 Timothée 4 8. 1 Timothy chapter 4 verse 8. For bodily exercise profiteth little. But godliness is profitable unto all things, having promise of this life that now is, and of the life which is come. 1 Timothée 4, 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Wow. Wow. Have you seen it? Est-ce que vous avez vu? Bodily exercise. Who has exercised this morning? Qui a fait des exercices ce matin? Oh, only two people who have done exercise today. Oh, seulement deux, trois personnes qui se sont exercées. Bodily exercise is good, but the Bible says it's little. L'exercice physique c'est bien, mais la Bible dit que c'est peu. Of little value. Ça a peu de valeur. Hallelujah. Amen. But spiritual exercise. Mais l'exercice spirituel. Yeah. It says what? It's profitable unto all things. Est utile à tout. Hallelujah. Amen. Spiritual exercise profitable unto all things. L'exercice physique est utile à tout. Yeah. All things. Tout. All things. Tout. All things. Tout. For your school. Pour tes études. Hallelujah. Amen. For your money. Pour ton argent. For your family. Pour ta famille. For your marriage. Pour ton mariage. For your relationship. Pour tes relations. For what again? Pour quoi encore? For your finances, for your work. Pour tes finances, pour ton travail. For what again? Pour quoi encore? Oh, do you understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? You don't understand what I'm saying? Vous ne comprenez pas ce que je dis? For your what? For soul. Your soul. Pour ton âme. Yes, for your soul. Oui, pour ton âme. For your body. Pour ton corps. For your health. Pour ton aide. What again? Health. Yeah, for your health. Pour ta santé. What again? For your children. Pour tes enfants. For what? For your intelligence. Pour ton intelligence. For your mind. Pour ta pensée. Yeah. Spiritual exercise. L'exercice spirituel. Spiritual exercise. L'exercice spirituel. Yes. Exercising of the inner man. L'exercice de l'homme intérieur. Is profitable unto all. Est utile pour tout. All. Tout. Hallelujah. Amen. Yeah. Yeah. So how do you exercise the inner man? Donc comment est-ce que tu t'exerces dans l'homme intérieur? How do you exercise the inner man? Comment est-ce que tu exerces l'homme intérieur? Yeah. There are a lot of things you can do to exercise the inner man. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire pour exercer ton homme intérieur. La prayer. Première chose, c'est la prière. Prayer. La prière. Yeah. Prayer. La prière. Prayer. La prière. Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous là? That's the first exercise. Ça c'est le premier exercice. How many minutes have you exercised yourself in prayer today? Pour combien de minutes as-tu exercé dans la prière aujourd'hui? Yeah. If we start to talk about prayer now, si nous commençons à parler de la prière topic. Maintenant, ça c'est un autre sujet. How much we need a lot of prayer? Comment est-ce que nous avons besoin de beaucoup de prières? Because it's a spiritual exercise. Parce que c'est un exercice spirituel. Which will profit in all things. Qui va être utile à tout. Hallelujah. Amen. All things. Pour tout. Amen. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Yeah. Wow. Wow. How many times have you prayed? Combien de temps as-tu prié? How many minutes have you prayed today? As-tu prié? Combien d'heures as-tu prié? Prayer, prayer, prayer, la prière. And I'll add prayer in tongues. Et je vais ajouter la prière en langue. Yeah. Prayer in tongues. La prière en langue. Praying in your own understanding. Prier avec ton intelligence. Yeah, in your own language. Dans ta langue. In French or English or en français ou en anglais. In fon or in ou en fon. Ewe or in ga or ou en ewe, en gant, en tui. Or in German or Spanish. Ou en allemand ou en espagnol. Or in Lingala. Ou en Lingala. Yeah. Prayer in your own understanding. A prayer in the spirit. Maintenant, la prière dans l'esprit. Yeah. Prayer in the spirit. 1 Corinthians chapter 14, verse 4. 1 Corinthians 14, 4. Chapter 4. 1 Corinthians 14, 4. 1 Corinthians 14, 4. He that pray in an unknown tongue edifies himself. But he that prophesy edify the church. Verse 15. Verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Hallelujah. Amen. Verse 15. What is it then? I will pray with my spirit and I will pray with my understanding also. I will sing with my spirit and I will sing with my understanding also. Verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Hallelujah. Amen. Have you seen? Est-ce que vous avez vu? Praying in your understanding and praying in the spirit. Prier avec ton intelligence et prier dans l'esprit. Yeah. Wake up in the morning. Tu te réveilles le matin. Speak in the spirit. Et tu commences à parler dans l'esprit. Yeah. You are walking to your school, you are speaking in the spirit. Tu marches pour aller à l'école et tu parles dans l'esprit. Because when you pray in tongues, parce que quand tu pries en langue, your mind is not praying. Ton intelligence ne prie pas. It's spirit that is praying. C'est ton esprit qui prie. Hallelujah. Are you here? Êtes-vous là? If I pray in an unknown tongue, my spirit prayed, but my understanding is unfruitful. Si je prie en langue, mon esprit prie, mais mon intelligence demeure stérile. Hallelujah. Amen. That's verse what which verse 4. No, verse 15. Is it verse 15? Verse 14. Verset 14. Yeah, if I pray in an unknown tongue, my spirit prayed, but my understanding is unfruitful. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Hallelujah. Amen. So you can be walking and praying. Donc tu peux être en train de marcher et prier. Hallelujah. Amen. You can be in a trotto and pray in tongues. Tu peux être dans un trotto et prier en langue. Somebody will think that you are stupid. Quelqu'un va penser que tu es stupide. But you are exercising your spirit. Mais tu es en train d'exercer ton because esprit. Because it's profitable. Parce que c'est utile. It's profitable. C'est utile. It's profitable. C'est utile. Yeah, it's profitable. It's profitable. C'est utile. We don't pray a lot in the spirit. Nous ne prions pas beaucoup dans l'esprit. Even pray in our own understanding, we don't pray a lot. Même prier dans notre intelligence, nous ne prions pas beaucoup. Yeah. Is it true or is it not true? C'est vrai ou c'est faux? This is a basic Christian activity. Ça, c'est une activité de base pour un chrétien. Christian, basic Christian activity. Une activité de base pour un chrétien. Yeah. So if you don't pray, you are going to become a weak Christian. Si je ne prie pas, tu vas devenir un chrétien faible. Yeah, and a lot of things will not profit for you. Et beaucoup de choses ne te seront pas utiles. A lot of things will not work for you. Beaucoup de choses ne vont pas marcher pour toi. Alléluia. Amen. Yeah. Wow. Are you here? Yeah. Pray in the spirit. Prie en langue. Pray in the spirit. Prie en langue. And fasting. Et le jeûne aussi. Fasting. Le jeûne. Chapter 10. Daniel chapitre 10. Spiritual exercise. Exercice fasting. Spirituel. Praying and fasting. Jeûner et prier. Daniel chapter 10 verse 3. I ate no pleasant bread, neither came flesh nor wine in my mouth. Neither did I anoint myself at all till 3 whole weeks were fulfilled. Daniel chapter 10 verse 3. Daniel 10 verset 3. Je ne mangeais aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Yeah. Mark chapter 6 verse 17. Mark 6 17. But thou, when thou fastest, anoint thy head and wash thy face. Wow. Mais quand tu jeûnes, oint ton visage et... Hallelujah. Mark chapter 6 verse 17. Fasting. Fasting. You exercise your spirit. Tu exerces ton esprit. You exercise your spirit. Tu exerces ton esprit. You make your body weak. Tu fais en sorte que ton corps soit faible. So that your spirit can be strong. Afin que ton esprit puisse être fort. Hallelujah. Amen. Yeah. Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Wow, what's going on? Qu'est-ce qui se passe? And the third thing is regular church attendance. Et la troisième chose, c'est de venir à l'église régulièrement. Regular church attendance. Venir à l'église régulièrement. Sometimes when you come, you don't feel anything. Parfois, quand tu viens, tu ne ressens rien. I've come, I've gone. Nothing. Je suis venu, je suis parti, mais il n'y a but rien. You don't know that your spirit is being exercised. Mais tu ne sais pas que ton esprit est en train because d'être exercé. When you come to church, you do spiritual things. Parce que quand tu viens à l'église, tu fais des choses spirituelles. Alléluia. Amen. Yeah. Yeah. The Bible says all things work together. La Bible dit toutes choses concourent au bien. Yeah. It's not only one thing that works. C'est pas seulement une chose qui concourt. I get up, I pray, and then I'm at home. Then it's okay. No. Je me suis levé, je prie et je suis à la maison, you need donc ça fast va. Too. Non, tu dois aussi jeûner. And you come to church. Et tu dois aussi venir à l'église. Yeah. And all these things work together to make you a strong Christian. Et toutes ces choses vont concourir à faire de toi un chrétien fort. And it will be profitable. Et ce sera utile. Some of you, your Christian activities is only one. Certains d'entre vous, votre activité, so you don't get any c'est juste profits. Une seule chose. Donc tu n'as aucun profit. It doesn't benefit you. Ça ne te profite pas. And so sometimes you think that you are not blessed. Donc parfois tu penses que tu n'es pas béni. It's more than that. C'est plus que ça. Alléluia. Amen. Are you here? Will you pray? Vas-tu prier? Will you fast? Vas-tu jeûner? Hein? Mm? Will you fast? Vas-tu jeûner? Every Thursday we'll fast. Chaque jeudi nous allons jeûner. Is it a good idea? Est-ce que c'est une bonne idée? Every Thursday we'll fast. Chaque jeudi nous allons jeûner. Abelimpe fasting. Jeûne d'Abelimpe. No eating. Pas manger. Yeah. And when we come, we'll pray. Et quand nous allons venir, nous allons prier. Hey, Charlie, today you don't like the word. Vous n'aimez pas le message. But you know, there are different types of fasting. Et vous savez, il y a différents types de jeûne. Light, fasting with light. You know, but Daniel said what? Daniel I ate no pleasant bread. Je ne mangeais aucun pain délicat. So it means that he was eating bread, but not pleasant bread. Ça veut dire qu'il mangeait du pain, mais pas un pain délicat. Not the things that the bread that he really wants to eat. Pas le pain qu'il voulait vraiment manger. Yeah, so you can fast light. Donc tu peux jeûner légèrement. Or you can fast with drinking, drink something. Ou drinking. Ou tu peux jeûner juste en buvant des choses. Tu peux jeûner avec de l'eau. Or juice. Ou du jus. Oh. Ou bien. You understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez? These are different types of fasts. Ce sont les différents types de jeûnes. Yeah. And the fasting that we do at Kodesh. Et le jeûne que nous faisons à Kodesh. It's Daniel type of fasting. C'est le type de Daniel. Yeah. Hallelujah. Amen. Are you with me? Can we fast? Est-ce que nous pouvons jeûner? Can we fast? Est-ce que nous pouvons jeûner? Which type of fasting do you want to do? Quel type de jeûne veux-tu voulez-vous Which faire? Which type of fasting? Quel type de jeûne? Which one is light? C'est lequel qui est léger? With juice. Avec des jus. Fasting with juice. Who wants fasting with juice? Qui veut le jeûne avec des jus? Fasting with juice. Le jeûne avec des jus. Oh, you people, you are not honest, though. Vous n'êtes pas honnête, hein, vous. You say dry, then when you go, then you are. Vous allez dire sec et maintenant que vous allez partir, vous allez manger. Or fruits. Ou les fruits. Fasting with fruits. Jeûner avec les fruits. But some people when they take bring this. It's more than kinky. C'est quand ils prennent des jus, c'est plus des fruits. Or somebody's plus bread. Que ou quelqu'un fasting c'est with le bread. Pain. Le jeûne avec le pain. The person will bring. Quelqu'un m'a amené tout un of bread. Tout un gros eat, no, say, yeah, I'm fasting. Quand bread. Tu manges, tu dis je jeûne. It's not easy. C'est pas facile. No, you have to be honest with yourself. Tu dois être honnête avec toi. You want to be light. Nous voulons être légers. You want to. You know when you exercise. Vous savez quand vous faites des exercices, qu'est-ce qui se passe? When you do press up. Quand tu fais des biceps. What happens? Des pompes. You feel pain, oh? Vous ressentez la douleur ou bien? Pain. Vous ressentez la douleur. So when you fast, your body feels pain. Donc quand tu jeûnes, ton corps ressent la douleur. Yeah. You feel pain. You feel pain in your body. Tu ressens la douleur dans ton corps. You understand? Est-ce que vous comprenez? Yeah, so you must face some hunger. Donc vous devez affronter de la faim. In your body. Dans ton corps. Can we do it? Est-ce que nous pouvons faire ça? Who wants us to fast every Thursday? Qui veut que nous jeûnons tout chaque jeudi? Some people don't want. Certains ne veulent pas. They are thinking about their food. Ils pensent à leur nourriture. Their nice food. Leur jolie nourriture. Hallelujah. Yeah, you know, sometimes if you don't sacrifice certain things, you can never be blessed. Vous savez, parfois si vous ne faites pas des sacrifices, vous ne pouvez jamais être béni. You will never receive it. Il y a certaines bénédictions que vous n'allez so jamais recevoir. A little food, donc, quand vous sacrifiez un peu de nourriture pour avoir quelque chose de spirituel, to be profitable. Ce sera bon pour vous. Hallelujah. Amen. Is it a good idea? Est-ce que c'est une bonne idée? Is it good? Est-ce que c'est bien? Yeah. Yeah. And then prayer. We're going to be praying. Nous allons prier. Yeah, I think for a long time we're not gathering together to pray. Je pense pour un long moment nous ne sommes pas rassemblés pour prier. Yeah. We say, oh, pray at home. Oh, pray on WhatsApp. On va dire, oh, prie sur WhatsApp. Prie à la maison. Certains ne prient pas. They sleep. Ils dorment. Yeah. Even the shepherds. Même les bergers. Shepherds group. Shepherds pray. You see that nobody has prayed. Même si le groupe des bergers, vous allez voir que personne n'a prié. It's not good at all. C'est pas bon du tout. Yeah. So we're going to be praying. Donc nous allons prier. And when we start, et quand nous commençons, we want everybody to come. Nous voulons que tout le monde vienne. Everybody, come tout and le pray. Monde, viens prier. Come and pray. Viens prier. Hallelujah. Mm-hmm. Come and pray. Viens prier. Yeah, if you don't pray in tongues, come. We pray, then you receive the Holy Spirit. Si tu ne pries pas en langue, viens, on va prier et tu vas recevoir le Saint-Esprit pour parler en langue. Yeah. As a Christian, you need the Holy Spirit. En tant que chrétien, tu as besoin Without du Saint-Esprit. Without the Holy Spirit, sans le Saint-Esprit, you'll be a weak Christian. Tu seras un chrétien faible. Yeah. You'll be weak. Tu seras faible. Yeah. Because if you get up in the morning. Parce que si tu te lèves le matin. Broste le bébé que les chambres se mabalababa. Et que les mambros se les mabalababa. Calamambros se les mabalababa. When a girl comes. Quand une fille vient. In panties. En sous-vêtements. Broste le bébé que les mambros se. You see that she will run away. Tu vas fuir. Elle va fuir. She will run away. Elle va fuir. Is it true or is it not true? C'est vrai ou c'est faux? But if you get up and you don't pray, mais si tu te lèves et tu ne pries and you pas, are there, et tu es là, and then the girl comes, et la fille vient, you see that you are weak. Tu vas voir que tu es faible. Yeah, you are weak. Tu es faible. Is it true or is it not true? C'est vrai ou c'est yeah. faux? So you need the Holy Spirit. Donc tu as besoin du Saint-Esprit. To strengthen you. Pour te fortifier. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 4. 1 Corinthiens 14 verset 4. Yeah. Four, strength, you are edified. Tu es édifié. You are edified. You are tu es strong. Édifié, tu es fort. You are strong. Tu es fort. And John, the Bible says that Holy Spirit is there to help. Et la Bible dit que le Saint-Esprit est là pour nous aider. John chapter 16, you see there. Dans Jean 16, tu vas voir là-bas le conforteur. Il va te fortifier. Will help you. Il va t'aider. Will assist you. Il va t'assister. In your weakness. Dans tes faiblesses. So we're going to pray. Everybody will receive the Holy Spirit. Donc nous allons prier et tout le monde va recevoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Vous parlez en langue. Tu verras que tu deviendras plus fort. Le démon ne comprend pas ce que tu dis. See that they'll be leaving your life. Tu vas voir qu'ils vont quitter ta vie. Hey, what's going on? You see that fire will be burning. Tu vas voir que le feu va les brûler. With your praying in tongues. Avec ton parler en langue. Yeah. The moment you stop praying in tongues. Le moment où tu arrêtes de prier en langue. Easily sin. Tu peux facilement pécher. Yeah. You can easily fornicate. Tu peux facilement forniquer. You can easily do something. Tu peux facilement faire quelque chose de mauvais. Yeah. You can easily. Facilement. We are weak Christians because nous sommes des chrétiens faits parce que cet aspect of spirituality is not there. De spiritualité n'est pas là. Yeah. Are you here? Est-ce que vous êtes là? Yeah. The Bible says, don't be filled with wine. La Bible dit ne soyez pas remplis de vin. In excess. En excès. They are drunk. Those who drink alcohol. Ceux qui boivent de l'alcool. But be filled with the Holy Spirit. Mais sois rempli du Saint-Esprit. Speaking in psalms and hymns and spiritual songs. Et chantons des hymnes et puis des chants spirituels. Making melody to the Lord. En faisant des mélodies au Seigneur. Yeah? Be filled with the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. Sois rempli avec le Saint-Esprit. Rempli avec and le Saint-Esprit. Influence you et ça va t'influencer. Positively. Positivement. Yeah. Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Are you here? Do you want to go? Est-ce que vous voulez rentrer? It's time to go. Il est temps de partir. Est-ce qu'il est temps de rentrer? Yeah. Wow. Will you speak in tongues? Vas-tu parler en langue? Yeah. Speak in tongues. Parle en langue. And believe God. Et crois Dieu. Yeah. Believe God as you are speaking in tongues. Crois en Dieu alors believe que tu pries God en langue. That something is happening. Crois en Dieu que quelque chose se passe. In the realm of the spirit. Dans le domaine de l'esprit. Yeah. You can never be blessed. It's nothing. Tu ne seras jamais béni si rien n'est fait dans le domaine de l'esprit. Because the things that are not working in your life. Parce que les choses qui ne marchent pas dans the ta vie. The things that are influencing you and they are not working. Et les choses qui t'influencent et ça ne marche pas. In the spiritual realm. Ça se passe dans le domaine spirituel. It's not physical. C'est pas physique. It's not physical. C'est pas physique. Are you here? Est-ce que vous êtes là? The things that are happening. Les choses qui se passent. In your life. Dans ta vie. It's happening somewhere that you can't see. Ça peut se passer quelque part que tu ne peux pas voir. Yeah. So you too. Donc toi aussi. You are not using the language of this world. Tu n'utilises pas le langage de ce monde. You are using the language of the realm of the spirit. Tu utilises le langage du domaine de l'esprit. Yeah. You see that the demons. Tu verras que les démons. Who are tormenting. Qui te tourmentent. Who are worrying you. Qui te dérangent. You sleep and then you wake up. Tu dors, tu te réveilles et tu as peur. Bad dreams. Les mauvais rêves. Oh. Yeah, I have bad dreams. Moi, j'avais des mauvais rêves. I have bad dreams. Des mauvais rêves. Yeah. And I was surprised. My wife told me that. Sometimes I have bad dreams, then I shout. Et ma femme a dit que parfois, quand j'ai des mauvais rêves, et je crie. Then I begin to speak in tongues. Et je vais commencer à parler en langue. Yeah. I'll be sleeping. Ils sont en train de dormir, mais je vais prier en langue. Yeah. The demons, they will run away. Les démons vont fuir. When I get them, I'm okay. I'm not. When anytime I have bad dreams. À chaque fois que j'ai des mauvais rêves, and there's nothing. Je me réveille et il n'y a rien. Yeah, there's nothing. Il n'y a rien. Hallelujah. Amen. Are you here? Amen. The things you are saying is not they are real. Real things. Ce sont des real choses things. Réelles. Real demons. Des démons réels. In your room. Dans ta chambre. In your ceiling. Dans ton in toi, your TV. Dans ta télévision. In your mirror. Dans ton miroir. Yeah. In your mirror. Dans ton miroir. You look in the mirror and then you begin to have certain things. Tu regardes dans le miroir et tu commences à voir certaines choses. Yeah. You watch the TV and then you begin to have erection. Tu regardes la télé et tu commences à avoir you des érections. You watch the TV and then you begin to want a man. Tu regardes la télé et tu commences à désirer un homme. Yeah. Doesn't it happen to you? et que ça t'arrive pas. You are looking at me as if tu me regardes comme si what the pastor is saying is not true. Comme si ce que le pasteur dit n'est pas vrai. Because they watch TV, you watch TV and then you are masturbating. Parce que tu regardes la télé et tu te masturbes. You think that's the Holy Spirit, not the Holy Spirit. Tu penses que c'est le Saint-Esprit, c'est pas le Saint-Esprit. Instead of starting to pray in tongues, au lieu de commencer à prier en langue, tu te lèves et tu pries en langue. You think that Satan likes you? Tu penses que Satan t'aime? Satan doesn't like you at all. Il ne t'aime pas du tout. He wants to kill you. Il veut te tuer. He wants to destroy you. Il veut te détruire. He wants to disgrace. Il veut te déshonorer. Yeah, disgrace you. Il veut te déshonorer. Wow. Are you here? Yeah. From now, you are going to be a strong Christian. À partir d'aujourd'hui, tu seras un chrétien fort. Yeah. If any demon comes with a bad dream. Si un démon vient avec un mauvais rêve, your neighbors will hear, bro, stelebebe, tes voisins vont écouter ça. The demons run away. Les démons vont fuir. Because the demons are in our room, so. Parce qu'il y a des démons dans nos chambres. On our bed, there are demons. Sur nos lits. There are demons. Il y a des démons. Yeah. And some of you invite demons. Et certains d'entre vous invitez les démons. Some of you. Certains d'entre vous. Yeah, you invite demons. Vous invitez les démons. Some of you are friends. Certains d'entre vous vos amis. They are demons with them. Il y a des démons avec eux. And you associate with them. Et ton association avec eux. And you catch all the demons. Tu fais attraper certains des démons. Yeah, that's why you are doing the way you are behaving the way you are behaving. Voilà pourquoi tu te comportes de la manière dont tu te comportes. Yeah, that's why you don't respect your father. Voilà pourquoi tu ne respectes pas ton père ni that's ta mère. That's why you don't respect the church. Voilà pourquoi tu ne respectes pas l'église. Yeah. Are you here? Êtes-vous là? But you are going to be a strong Christian. Mais tu seras un chrétien from fort. From now. À partir de maintenant. Yeah. Do you believe it? Est-ce que vous croyez? If you don't believe it, it won't work for you. Si tu ne crois pas, ça ne va pas marcher pour toi. Yeah. You know why? If you don't believe God, it won't work. Si tu ne crois pas en Dieu, ça ne va pas marcher. Those that come to God must believe. Mais la Bible dit que ceux qui viennent à Dieu doivent croire. Believe. Croire. Believe. Croire. Believe. Croire. Believe. Croire. Believe. Croire. Oh. Je crois en Dieu. When I start to pray, bro, quand je commence à prier, allez, bro, stele baba, kele chambra, stele baba, kele shalababa. Allez, ma bro, stele bébé, le bébé, le bébé, le bébé, le bébé. Yi kele ma bro, stele baba, kala ma bro, stele mama la baba. Ya tele ma bro, stele mama la. Sometimes I go in the night and put my hand on my son. Bro, stele bébé, kele bébé. Je mets la main sur mon fils. Je prie en langue. You don't know how much you need the Holy Spirit. Vous ne savez pas combien vous avez besoin du Saint-Esprit. Yeah, because the power of the Holy, power of God. Parce que c'est la puissance de Dieu. Yeah, it's the power part of God. C'est la partie puissante de Dieu. Yeah, that's what create things. That's what c'est ce qui a créé les choses. That's what break things. C'est ce qui a créé les choses. Yeah, break strongholds. Ça brise les forteresses. Yeah. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Do you want to pray? Si vous voulez prier. Yeah. Wow. Wow. I hear. And let's pray. Levez-vous et prions. Let's speak some tongues. Parlons quelques langues. Speak some tongues. If you don't pray in tongues, don't worry. Don't be intimidated. Si tu ne prie pas en langue, ne sois pas intimidé. Ask the Holy Spirit. Demande au Saint-Esprit. To fill you. De te remplir, to baptize you de te baptiser in the Holy Spirit. Dans le Saint-Esprit. If you believe, si tu crois, you receive it. Tu vas recevoir in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Yeah, the Holy Spirit will fill you. Saint-Esprit va te remplir. Ikele mamra steli mamra mantele mabakana shambro steli mamra baba ikele bro steli be ikele bro steli be ikele bro steli ba kala mamro steli mamra baba. Before we continue avant de continuer, maybe you are here, you are not born again. Peut-être tu es ici, tu n'es pas né de nouveau. Yeah. And you want to be born again. Et tu veux être né de nouveau. And receive the Holy Spirit. Et recevoir le Saint-Esprit. I want to pray with you. Je vais prier avec toi. You want to be born again. Tu veux être né de nouveau. Close your eyes. Everybody fermez vos yeux, tout le monde. You want to receive salvation. Tu veux recevoir le salut. Close your eyes. Fermez les yeux. And lift up your hands. Et levez vos mains. We'll pray with you. And you receive the Holy Spirit. Nous allons prier avec the Holy Spirit vous will baptize you if you believe. Si tu crois. If you believe. Si tu crois. Lift up your hands. Levez vos mains. Lift up your hands. Levez vos mains. Thank you, my brother. Thank you. Merci, mon frère. Thank you. Who else want to receive salvation this evening? Qui d'autre veut recevoir le salut ce soir? Who else? Qui d'autre? If you lift up your hands, can you come forward? Si tu as levé tes mains, venez devant. We'll pray. Pray. Venez nous prier. Viens, on va prier. Viens, on va prier. Pour recevoir le salut. Viens. Pour recevoir le salut. Est-ce que tu crois que le Dieu a envoyé Jésus pour te sauver? Tu crois. Tu veux recevoir le salut. Tu crois que tu veux recevoir le salut. Ferme les yeux. Et répète après moi, dit Seigneur. Je te remercie. Ô Jésus, je crois en lui. Que tu l'as envoyé pour me sauver. Il a donné sa vie. Il a versé le sang pour moi. Il a payé le prix. Et ce soir, je l'invite dans mon cœur comme mon sauveur. Qu'il soit le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je me sers. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Seigneur, merci. Écris mon nom dans le livre de vie. Je vais te servir le reste de ma vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous croyez au Saint-Esprit? Est-ce que vous avez besoin du Saint-Esprit? Vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous êtes de bons chrétiens. Le Saint-Esprit vous remplit maintenant si vous croyez. Au nom de Jésus, fermez les yeux. Fermez les yeux. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour ma vie spirituelle. Remplis mon cœur. Remplis ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Dis merci à Dieu. Saint-Esprit, remplis-le. Remplis-le. Oh Seigneur, merci. Merci. Merci. Brosseleba. Ikele brossele bébé. Kele chambo. Oh Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces personnes? Allez. Nous allons prier. Prier. Oh, commencez à prier en langue. Si tu ne pries pas en langue, prie que le Saint-Esprit te remplisse et te baptise en ce moment. Au nom de Jésus. Oh, l'imbro, c'est les mains, calamambro, c'est les bébés. Ikele mambras, c'est les mabas, kamamaramaba, kamamaramaba. Oh, tu t'es divi toi-même ce soir, bro, c'est les mabas, kalachambro. Ikele bro, c'est les bébés, kele bro, c'est les mabas, kalamambro, c'est les mamaramaba. Ikele mamaramaba, kamamaramaba, kamamaramaba, kamamaramaba. Antele mras, c'est les mamaramaba, antele mabas, kamamaramaba. Yekele mama la mama, kama mama la mama, kama mama la mama, kama mama la mama. Yekele mama la mama, na wantele mama, kama mama la mama, na wantele mama la mama. Yekele brosele bebe, kebebele bebe, kebebele bebe. Yekele mama la mama, wantele mama, kama mama la mama. Yekele mama la mama, na wantele mama la mama, na wantele mama la mama. Yekele mama la mama, na wantele mama la mama, na mama la mama. Yekele mama la mama, na wantele mama la mama, na wantele mama la mama. Yekele mama la mama, na wantele mama, kama mama la mama, na wantele Saint-Esprit, baptise ceux qui ne sont pas baptisés. Oh, baptise, baptise, baptise. Baptême du Saint-Esprit. Brosse les bas, calamabro. Et que les bros, c'est les bébés, que les bros. Y'a que les bros, c'est les babas, que les chambros, c'est les bébés, les bébés. Et que les mabros, c'est les mamans, la maman, la baba. Et que les mamans, la maman, la maman, la maman, la maman, la maman. Oh fortification, brosse les mamans la maman, ante les mamans, brosse les mamans, canachan, brosse les mamans la maman, et que les mamans la maman, ante les mamans, canachan, bo, y'a que les brosse les bébés, les bébés, et que les mamans, brosse les mamans, canachan, brosse les mamans la maman, et que les mamans la maman, ante les mamans, canachan, la maman, y'a que les mamans, ante les bébés, les bébés, et que les mamans, brosse les mamans la maman, oh remplis-nous avec ton, la puissance, remplis avec la puissance, au nom de Jésus. Ikele baba, kele baba, kele baba, kele baba, kele baba. Ikele mambo, kele mama, kele mambo, kele bebe, kele bebe. Ikele mambo, kele baba, la baba. Ikele baba, la baba, la tele baba, la baba, la baba. Ikele mama, la baba, la tele mama, kana mama brosere. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Saint-Esprit est parmi nous. Oh, il est parmi nous. Il est. Il est parmi nous. Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est. Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. De toi. Parmi nous. Oh, le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. majesté. Il est là, c'est pourquoi nous chantons majesté, parce qu'il est majesté. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh. Majesté, majesté, majesté. Lève les mains, dis majesté. Majesté, majesté. Pour te fortifier, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Ta grâce m'a pris, ta grâce m'a pris tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Par ton amour, je suis transformé. Par ton amour. Tu seras transformé ce soir par la puissance du Saint-Esprit. Tu seras transformé. Il va te remplir par sa puissance. Tu seras un chrétien différent. Tu seras une fille différente. Tu seras un garçon différent. Tu seras fort au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par ton amour, je suis transformé. Je suis transformé en présence de ta majesté. Par ton amour, je suis transformé. Par ton amour, par ton amour. Par ton amour, par ton amour, je suis transformé en présence. Sa puissance va te remplir au nom de Jésus. Oh, il est grand, il est grand, il est puissant. Oh, les bros, c'est tes mamans, que les chameaux. Ante les bros, c'est les bébés, que les chameaux. Et que les bros, c'est les chameaux. Ante les mamans, c'est les bébés, les bébés. Et que les mamans, c'est les bébés, les bébés. Ante les mamans, c'est les mamans. Allez, brossez les bébés, les bébés, les bébés. Et que les mains brossez les bébés, les bébés, les bébés. Et que les mains brossez les bébés, les bébés, les bébés, les bébés. Et que les mains brossez les bébés, les bébés, les bébés. Et que les mains brossez les mamans, que les chambres brossez les bébés, les bébés. Et que les mains brossez les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés. Ante les mains brossez les bébés, les bébés. Il est là, il est là, il va te toucher en ce moment. Au nom de Jésus, il va te remplir de sa puissance. Au nom de Jésus. Que les mambros et les bébés, que les chambres. Ante les mambros et les bébés, que bébé les bébés. Y que les mambros et les mamans, que les chambres. Allez, bros et les bébés, les bébés, les bébés. Oh, les bros et les bébés, les bébés. Y que les mambros et les bébés, les bébés. Y que les bébés, les bébés, les bébés, les bébés. Et les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés. Y que les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés. Elle va me le Au nom de Jésus, je brise toute puissance des ténèbres dans ta vie. Au nom de Jésus, par la puissance de Dieu, je brise. Au nom de Jésus, ikele mabro se le baba, ikele mabro se le baba, antele mabro se le bébé que le chambo, ikele mabro se le baba que le chamba, antele mabro se le bébé, ikele mabro se le baba, antele mabro se le bébé, ikele mabro se le baba, ale bro se le bébé bébé, ikele bro se le bébé, ikele bro se le bébé, antele bro se le baba, ikele mabro se le baba, antele bro se le bébé, ikele mabro se le baba. Allez, bro, c'est le bébé. Il est le bébé. Il est le bébé. Il est le bébé. Il est le bébé. Tu deviens puissant. Tu deviens fort. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit te fortifie. À partir d'aujourd'hui, tu es transformé par son amour. Par son amour. Par son amour. Tu es transformé par son amour. Tu es transformé. Tu es transformé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, bro, c'est le baba. Ikele ma bro. Ikele ma bro. Ikele ma bro. Ikele ma bro. Ikele ma bro. Ante le bro. Ante le bro. Ante le bro. Ante le bro. Ante le bro. Ante le bro. Ante le bro. Ante le bro. Ante le bro. Ante le bro. Yakele ma bro, c'est le baba. Ikele ma bro, c'est le bébé, le bébé. Yakele ma bro, c'est le baba. Grand Dieu, nous t'adorons, grand Dieu, il est grand, Dieu, nous t'adorons, grand Dieu, il est grand, nous t'adorons, grand Dieu, il est grand, Dieu, il est puissant, Dieu, oh yes, oh, les mains, dis merci. Allez, brosse les bébés, les bébés, les bébés. Oh, les brosse les babas, calaba, brosse les babas, calaba, brosse les bébés. Il qu'elle va brosser les babas, la baba, la baba. Oh, tu deviens fort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, les brosse les bébés, les bébés, les bébés. Et les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés. Oh, dis merci à Dieu. Remercie le Seigneur. À quel est ma brosse le bébé, le bébé. Il que le bébé, le bébé, le bébé, le bébé. Il que le bébé, le bébé, le bébé, le bébé. À tel bébé, le bébé, le bébé. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci. Merci. Oh, Father, we thank you. We give you glory. Dis merci. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton esprit. Pour ton esprit. Pour ton esprit. Oh, l'imbro seleba. Ante l'imbro selebe, kele mambro. In the name of Jesus, Father, we thank you. We give you the glory. Donne la gloire à Dieu. Donne la gloire à Dieu. Oh, il a fait. Il a fait. Il a fait. Tu serais un chrétien qui prie. Qui prie. Qui prie. Qui prie. Prie. Qui prie. Qui prie. Au nom de Jésus. Oh, Seigneur, merci. Oh, Seigneur, merci. Merci. Au nom de Jésus. Et tout le monde dit amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Assez. Alléluia. Amen.